2 millions. 2 millions, c'est le nombre d'emplois directs ou indirects du secteur du tourisme en France. Alors nous, au Crédit Agricole, on se mobilise et on propose pour vous, professionnels du tourisme, le prêt garanti par l'État saison basé sur vos 3 meilleurs mois de 2019. Parce que notre rôle, c'est de vous aider à continuer votre activité. Crédit Agricole, agir chaque jour dans votre intérêt et celui de la société. Formidable. Conditions du prêt fixé par la réglementation en vigueur, sous réserve d'études et d'acceptation par votre caisse régionale prêteur. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, le Watergate, ou le scandale politique le plus retentissant de l'histoire américaine récente. Dans la nuit du 17 juin 1972, le président sortant, Richard Nixon, est en pleine campagne pour sa réélection. Mais on apprend dans la presse que 5 hommes ont tenté de mettre sur écoute les téléphones du QG, du candidat démocrate installé dans l'immeuble du Watergate à Washington. L'affaire n'a aucune conséquence sur le résultat de l'élection, mais quelques mois plus tard, elle ressurgit et fait la une de tous les journaux. Cette histoire, c'est comme un jeu de dominos qui s'étale du 17 juin 1972 au 8 août 1974, jour de l'annonce de la démission de Richard Nixon de la présidence des États-Unis. Tel un fleuve qui sort de son lit, cette opération emporte tout sur son passage. Un directeur du FBI, un ancien ministre de la Justice, les plus proches conseillers du président et le président lui-même. Tous les ingrédients d'un scandale d'État sont réunis. Une campagne pour la présidentielle, des caisses noires, des anciens agents de la CIA et du FBI, des conseillers lâchés, des confidences télévisées et la découverte d'un incroyable secret. Il s'agit également d'une affaire de presse qui aujourd'hui encore fait école grâce au travail de deux jeunes journalistes du Washington Post, Carl Bernstein et Bob Woodward, dont vous entendrez les souvenirs extraits du livre « Gorge profonde, la véritable histoire de l'homme du Watergate ». Le président, lui, se défendra comme un lion mais sera emporté par l'affaire. 2 ans plus tard, poussé à la démission pour éviter l'humiliation d'une procédure d'impeachment, autrement dit une mise en accusation du président qui signifie, en l'occurrence, « Monsieur, vous n'êtes pas moralement à la hauteur de la fonction, vous devez partir ». En seconde partie d'émission, nous recevrons Jacques Amalric, ancien correspondant à Washington du journal Le Monde, pour lequel il a suivi l'affaire. Il sera avec nous en direct d'Ajaccio, dans les studios de Radio Corse Frequenza Mora, que nous remercions pour leur accueil. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Lucille Valéry, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Laigle, à la technique aujourd'hui Patrick Henry. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. L'histoire du Watergate, qui est le nom d'un immeuble de la capitale américaine, commence à l'aube du 17 juin 1972. Situé au cœur de Washington, sur la rive du Potomac, ce bâtiment gigantesque abrite un hôtel, des appartements et un ensemble de bureaux. C'est ici que le Parti démocrate a décidé d'installer son QG de campagne pour la présidentielle. Quand la journée se termine, à chaque étage, les lumières s'éteignent, normal. L'endroit est alors à la charge des veilleurs de nuit, ce qui est aussi tout à fait normal. Ce jour-là, c'est Frank Wills, un jeune homme de 24 ans qui est de service. Vers 1h du matin, lors de sa ronde au niveau des garages, il remarque qu'une porte, dont la serrure est recouverte d'un bout de toile collante, est ouverte. Il le retire, ferme la porte et poursuit son service. Bon, il s'agit sans doute des équipes de nettoyage, pense-t-il. Rien de grave. Sauf que lors d'un second tour de ronde, il remarque que la porte est de nouveau entrebâillée. Frank Wills décide alors d'appeler la police, comme le stipule la procédure en cas d'infraction. Le commissariat central contacte une patrouille qui se situe juste à côté. 3 agents pénètrent alors dans le Watergate. Et là, au 5e étage, ils entendent du bruit et voient des halos de lumière dans les bureaux du Parti démocrate. Ils s'avancent, puis tombent nez à nez avec 5 hommes, les mains gantées de caoutchouc. Les policiers embarquent les 5 individus et leurs bagages, qui comprennent des appareils photo, 40 rouleaux de pellicule vierge, 2 caméras de 35 mm, des talkie-walkie, ainsi que du matériel d'équipement électronique pour poser des micros. Quelques heures plus tard, à 9h du matin, Bob Woodward, un jeune journaliste du Washington Post, reçoit un coup de téléphone. C'est son chef de service qui lui demande de débarquer au plus vite au journal. Woodward fait partie des 8 journalistes réveillés à la hâte ce samedi matin. Quand il arrive, il trouve son chef en pleine communication téléphonique avec un journaliste qui est déjà au commissariat. Au téléphone, il énumère la liste du matériel retrouvé, la nationalité des personnes arrêtées, dont 4 sont cubaines, ainsi que la somme d'argent retrouvée sur les visiteurs nocturnes de Watergate. Des billets qui se suivent, étranges. Les suspects seront présentés dans l'après-midi au tribunal. Woodward décide d'y aller. À 15h30, les suspects pénètrent dans la salle d'audience. Ils n'ont pas vraiment le look de cambrioleurs, ces suspects. Plutôt fringants, élégants, il ne leur manque une cravate et une ceinture pour redevenir d'honorables personnes. Mais qui sont-ils ? Le juge s'interroge aussi. Comme le raconte Bob Woodward dans cet extrait de son documentaire « Gorge profonde, la véritable histoire de l'homme du Watergate ». Le juge James A. Belson leur demande comment ils gagnent leur vie. L'un d'eux lui répond qu'ils sont anticommunistes et les autres acquiescent de la tête. Le juge ordonne au plus grand et au plus âgé, le leader présumé du groupe, de s'avancer à la barre. James McCord, un homme à la calvitie naissante et sérieux comme un pape, s'exécute. « Profession ?» commence le juge. « Conseiller en sécurité, » répond McCord. « Où ça ?» McCord baisse la voix et explique qu'il vient de quitter un poste dans le public. « Comme nous sommes dans une salle d'audience, je peux me déplacer jusqu'au premier rang et je me penche au maximum pour saisir la suite de la conversation. « Où ça, dans le public ?» insiste le juge. « CIA, » murmure McCord. Le juge tressaille. « Je lâche un putain de merde entre mes dents. C'est comme si je venais de recevoir une décharge de 10 000 volts. » James McCord. Qui est cet homme ? Le lendemain, une dépêche de la Société de presse indique qu'il est l'un des salariés de la CREEP, le comité pour la réélection du président responsable de la sécurité. Dans le même temps, un autre journaliste du Washington Post apprend à Woodward et Bernstein qu'ils font désormais équipe sur cette affaire et il leur livre cette nouvelle information. Un carnet d'adresses a été retrouvé dans l'appartement loué par les 5 hommes qui ont visité les lieux nuitamment. Sur ce carnet, à la lettre H, on peut trouver le numéro de téléphone d'un certain Howard Hunt, annoté des initiales WH comme White House. Woodward appelle alors le standard de la Maison Blanche et demande à parler à ce Howard Hunt. L'homme est absent de son bureau, mais la secrétaire lui conseille de joindre le bureau de M. Colson, le conseiller spécial de Nixon, avec qui il travaille souvent. Personne ne répond. En fin de journée, Woodward arrive enfin à Howard Hunt, qui refuse de commenter l'information. Cette histoire s'en souffre. Une arrestation en pleine nuit dans un QG de campagne, du matériel de professionnel, des liasses de billets aux numéros consécutifs, des noms d'hommes qui travaillent à la Maison Blanche. Woodward et Bernstein, avec d'autres, sont alors chargés de poursuivre l'investigation. Les deux reporters sont pour l'instant de jeunes journalistes encore inconnus des lecteurs du Poste. Mais Bob Woodward a dans ses contacts un informateur qui va jouer un rôle capital. Très vite, à la rédaction du Poste, on le surnomme Deep Throat, gorge profonde. Son identité n'est révélée qu'en 2005. Il s'agit de Mark Felt, numéro 2 du FBI sous Nixon. Tout au long de l'enquête, il est la boussole de Woodward. Il donne un cap, confirme les intuitions. Dès que Woodward bloque et a besoin d'une confirmation, voici comment il le contacte. Felt et moi, nous nous mîmes d'accord. Si j'avais besoin de le voir d'urgence, je déplacerais le pot avec son drapeau vers le fond de mon balcon. Ce signal signifiait que nous le rencontrerions dans la nuit qui suivait, vers 2h du matin au dernier sous-sol d'un parking souterrain, juste après Cambridge, à Roslyn, Virginie. Felt m'expliqua que s'il avait quelque chose d'important à me dire, une horloge serait dessinée au bas de la page 20 de mon New York Times et les aiguilles indiqueraient l'heure de la rencontre. Quelques jours après la tentative de cambriolage, le Parti démocrate porte plainte. Côté républicain, le directeur de campagne et ancien ministre de la Justice, John Mitchell, démissionne pour raisons familiales, dit-il. Faut-il y voir un lien avec les premières investigations des journalistes sur l'affaire du Watergate ? Allez savoir. Le 15 septembre 1972, alors que la campagne présidentielle bat son plein et que Nixon est largement en tête des sondages, le grand jury fédéral inculpe les 5 cambrioleurs du Watergate, ainsi que Howard Hunt et un certain Gordon Liddy, tous deux anciens collaborateurs de la Maison-Blanche, qui travaillent désormais au sein du comité de réélection de Nixon. Les deux journalistes du Post, Woodward et Bernstein, eux, suivent la piste de l'argent du comité de réélection de Nixon. En septembre, Bernstein obtient les confidences d'un procureur fédéral qui dit avoir été approché pour saboter, oui, saboter, et espionner les primaires démocrates. Le Watergate n'était peut-être qu'un des méfaits du comité de réélection de Nixon. D'autres opérations ont peut-être eu lieu. Fort des informations et des témoignages dont il dispose, Bob Woodward fixe un rendez-vous à gorge profonde. Comme à chaque fois, il arrive au dernier sous-sol d'un parking souterrain, juste après Cambridge. Gorge profonde l'attend, là, dans la pénombre, cigarette à la bouche. Alors, l'opération de Watergate est-elle la seule opération de sabotage? Combien sont-ils à être en charge de ces opérations? Gorge profonde confirme que près d'une cinquantaine de personnes travaillent pour la Maison-Blanche et le comité de réélection pour espionner, saboter et récupérer des informations. Je lui récitais alors la liste que Karl et moi avions établie, grâce à d'autres sources, des tactiques utilisées par la Maison-Blanche et le comité pour la réélection de Nixon. Au fur et à mesure, il me confirmait d'un signe de tête les poses de micro, les filatures, les faux tuyaux donnés à la presse, les lettres bidons, les annulations de meetings démocrates, les enquêtes sur la vie privée des collaborateurs de leurs adversaires, l'espionnage, le vol de documents, les provocateurs dans les réunions politiques. Le 10 octobre 1972, en une du Washington Post, on peut lire « Le FBI établit que des assistants de Nixon ont saboté la campagne des démocrates ». Le 25 octobre, le journal poursuit ses révélations et met en cause Harry Adelman, l'un des plus proches collaborateurs de Nixon, affirmant qu'il avait accès à un fonds secret destiné au sabotage de la campagne démocrate. Le camp républicain nie et la campagne se poursuit. Le 7 novembre 1972, Richard Nixon est réélu avec 47 millions de voix contre 29 millions à son adversaire. Ce qu'on ne peut pas imaginer à ce moment-là, c'est que dans moins de 2 ans, il devra quitter ce poste. Comment en est-il arrivé là? Qui sont les hommes qui ont fait tomber le président? Quelques mois après l'élection, l'affaire Watergate redémarre et ne se limite plus désormais à la presse. En janvier 1973, le procès des 7 accusés de l'effraction et de la tentative de pose de micro dans les bureaux du QG démocrate s'ouvre. À la surprise générale, Howard Hunt, l'ancien collaborateur de la Maison-Blanche, ainsi que les 4 hommes de main qui ont été surpris dans les bureaux de Watergate, plaident coupables, ce qui leur permet d'éviter l'audience. Seul James McCord, responsable sécurité du comité, et Gordon Liddy, également membre du comité et accusé d'avoir organisé l'opération, font donc face au juge et aux différents témoins. Dans le même temps, et c'est capital, le Sénat décide lui aussi d'enquêter. En octobre 1972, une première sous-commission avait fait apparaître qu'un vaste éventail d'activités d'espionnage et de sabotage avait été mis en place pour la campagne électorale. 4 mois plus tard, le 7 février 1973, le Sénat adopte une résolution qui crée une commission, je cite, « pour examiner tous les aspects de l'affaire du Watergate ». Oui, tous les aspects. La première victime collatérale de cette commission est le nouveau directeur du FBI, Patrick Gray. Devant les sénateurs, il admet avoir transmis à John Dean, conseiller juridique du président Nixon, les 80 procès-verbaux de l'enquête du FBI sur le Watergate. Pire, on apprend que John Dean avait été autorisé par son employeur à assister aux interrogatoires du personnel de la Maison-Blanche. Alors, cette Maison-Blanche a-t-elle tenté d'entraver l'enquête sur le Watergate? Les déclarations du directeur du FBI sont claires. Nixon et ses hommes ont outrepassé leurs attributions et leurs pouvoirs. Le 24 avril 1973, Bernard Valette, correspondant de France Inter aux États-Unis, annonce la démission du directeur du FBI. Cette nouvelle démission va avoir des répercussions, en particulier dans l'opinion publique américaine. Le FBI, ici, était considéré jusque-là comme le grand défenseur des citoyens et ses membres avaient l'auréole des incorruptibles. C'est un coup dur son directeur, Patrick Gray, a eu l'ordre de brûler des papiers compromettants. Cet ordre discret, il l'a exécuté. Ces papiers lui auraient été remis à la Maison-Blanche en juin dernier par le conseiller juridique présidentiel John Dean, en présence de John Ehrlichman, conseiller de Richard Nixon pour les affaires intérieures. Bref, un vent de panique de plus en plus violent souffle sur Washington. Les scandales s'ajoutent aux scandales. La boule de neige dévale de plus en plus vite et risque fort de venir lézarder la façade de la Maison-Blanche. La veille, le Washington Post révélait les premiers éléments de la déposition de John Mitchell, l'ancien ministre de la Justice et ancien directeur du comité de réélection de Nixon. À la surprise générale, il avait démissionné quelques semaines avant le Watergate. Devant la commission, il reconnaît avoir été tenu au courant de l'opération et avoir autorisé le versement d'argent pour payer la défense des 7 personnes arrêtées lors du cambriolage raté du QG électoral des démocrates. Les hommes du président sont désormais en première ligne. Dans la presse, chaque jour, des soupçons, des informations et des témoignages accusent les proches collaborateurs de Nixon. À la Maison-Blanche, la panique s'installe. Le président consulte, interroge, cherche une porte de sortie, puis rompt le silence. À la mi-avril, il promet que toutes les personnes de ses services impliqués seront immédiatement suspendues. De plus, après avoir hésité, il accepte que les fonctionnaires de la Maison-Blanche comparaissent devant la commission sénatoriale. Malgré tout, les Américains s'interrogent et les sondages d'opinion traduisent une chute de la popularité du président. Le 30 avril 1973, lors d'une allocution télévisée, Richard Nixon prend les devants et annonce la démission de ses plus proches collaborateurs. Good evening. Bonsoir. Je veux parler ce soir, en toute sincérité, d'un sujet qui concerne chaque Américain. Le 17 juin dernier, lors d'un séjour de détente en Floride, après mon voyage à Moscou, j'ai entendu parler pour la première fois dans les journaux télévisés du cambriolage du Watergate. J'ai été indigné de cet acte délictueux et sans signification. Et j'ai eu le choc d'apprendre que certains des membres du comité de réélection semblaient faire partie des coupables. Immédiatement, j'ai ordonné une enquête par les autorités appropriées. En septembre, comme vous pouvez vous en souvenir, 7 condamnations étaient prononcées. Aujourd'hui, lors d'une des plus difficiles décisions de ma présidence, j'ai accepté les démissions de 2 de mes plus proches collaborateurs, Bob Haldeman et John Ehrlichman, 2 des meilleurs grands commis d'État qu'il m'ait été donné de connaître. Ainsi que John Dean, son conseiller juridique. Après le directeur du FBI, ce sont donc 2 des plus proches collaborateurs des présidents qui quittent les couloirs du pouvoir. Cela suffira-t-il à calmer les suspicions? Quoi qu'il en soit, l'affaire est déjà entre les mains de la justice et du Sénat. Car Nixon n'a pas tout dit, et les Américains s'en doutent, comme le raconte Benjamin Bradley, rédacteur en chef du Washington Post, lors de sa venue à Paris. En ce qui concerne ce qui se passe actuellement, les Américains ont exprimé par voie de sondage leur manque de confiance dans le président, 53% la semaine dernière, 40% croient même cette semaine qu'il n'a pas dit toute la vérité. Est-ce que Richard Nixon est en danger aujourd'hui à cause de vous? Bon, il y a sa terme de 3 ans et 10 mois encore à faire. Non, il n'est pas en danger. Il a des problèmes maintenant qu'il n'avait pas il y a 5 mois. Ça sera pour lui plus difficile de conduire les relations avec le Sénat, le Congrès, avec le peuple américain. Demain, Richard Nixon risque-t-il de tomber avant la fin de son mandat? Est-ce que vous croyez à la démission de Richard Nixon? Non, pas maintenant. Mais je ne sais pas toute la vérité encore. On va voir ce qu'il va faire quand la vérité est su. Quelques jours après cette visite en France, le Washington Post ainsi que les 2 journalistes Bernstein et Woodward reçoivent l'honorable prix Pulitzer pour la couverture de Watergate. Alors qu'aucun jugement n'a encore été rendu, l'affaire est déjà actée. L'histoire va parfois plus vite que la justice et Nixon, lui, n'arrive pas à rattraper le train en marche. D'autant plus que le 14 mai 1973, John Dean, son ancien conseiller politique, remercié 15 jours plus tôt, accorde une interview sensationnelle à l'hebdomadaire Newsweek dans laquelle il accuse le président d'avoir menti. Qui dit vrai ? Les Américains vont pouvoir se faire un avis eux-mêmes. En effet, dès le 17 mai, les auditions de la commission sénatoriale d'enquête sur le scandale Watergate deviennent publiques et sont retransmises en direct à la télé. Pendant plusieurs mois, chaque jour, les spectateurs voient défiler l'Amérique officielle et ses hommes de l'ombre. Que vont-ils découvrir ? Que révèle l'affaire du Watergate et du quotidien de la Maison Blanche sous Nixon ? Premier jour de la commission spéciale du Sénat en charge d'examiner tous les aspects de l'affaire du Watergate. Fait incroyable, vu de France, les auditions de la commission sont retransmises à la télé, en direct. Lors de la première journée, il n'y a aucun coup de théâtre, mais une déclaration remarquée, celle du sénateur Sam Ervin, qui préside la commission. Pour lui, les cambrioleurs de Watergate ont violé le domicile de chaque citoyen des États-Unis et ont cherché à voler son plus précieux héritage, le droit de participer à une élection libre. Le ton est donné. Le lendemain, la commission entre dans le vif du sujet avec l'audition de James McCord, l'ancien agent de la CIA et du FBI, devenu responsable de la sécurité du comité pour la réélection de Nixon et qui est l'une des personnes arrêtées le 17 juin 1972 dans les bureaux du QG des démocrates. Quelques semaines avant cette audition, l'homme qui avait pour l'instant préféré garder le silence se met à parler pour éviter de porter seul le chapeau et pour réduire la lourde condamnation qui s'annonce. Dans une longue lettre envoyée au juge qui l'avait condamné lors du premier procès, James McCord avoue avoir subi des pressions des hommes du président. Quelques semaines plus tard, devant les sénateurs, il réitère ses propos. Lorsqu'on lui demande pourquoi il a participé à cette opération, il dit avoir reçu l'approbation du conseiller juridique de Nixon, John Dean, ainsi que de l'ancien ministre de la Justice. Pour lui, en cas de problème, il serait protégé. Cette protection, on la lui a également promise après son arrestation pour le remercier de son silence. Au cours de cette audition, on demande également à cet homme de rejouer la scène de la pose des micros. James McCord s'exécute et devant les sénateurs et les caméras, il explique la procédure en direct. Les micros, eh bien dans les téléphones, genre KGB. Stupéfiant. Le lendemain, le 19 mai, en plus de la commission du Sénat, on apprend la nomination d'Archibald Cox en tant que procureur spécial indépendant pour enquêter sur l'affaire de Watergate. S'agit-il d'un contre-feu pour nuancer les avancées de la commission sénatoriale ou d'un autre chemin vers la vérité ? En juin 1972, c'est en tout cas la commission sénatoriale qui tient le haut de l'affiche. Le 20 juin, tous les spectateurs et journalistes attendent avec impatience l'audition de John Dean, ancien conseiller juridique de Nixon. Jeune, élégant, avocat de formation, l'homme joue de son charisme et de sa prestance. Il se sait regardé et attendu. Il ne décevra personne. Avant de répondre aux questions, il lit une déclaration préliminaire de 245 pages. Il mentionne la pose des micros, l'utilisation de fonds secrets, l'argent blanchi par des banques mexicaines, les entraves à la justice, ainsi que la paranoïa qui s'est infiltrée à l'intérieur de la Maison Blanche. Selon lui, la philosophie de la présidence se résume ainsi. Tous les ennemis du président doivent être neutralisés par tous les moyens. John Dean transmet même à la commission une liste de 200 noms d'hommes politiques, d'hommes d'affaires, célébrités et journalistes contre lesquels le président avait rassemblé des éléments en cas de problème. Mais au sujet de l'opération de Watergate, Nixon était-il au courant? Car c'est bien la question, celle qui intéresse tout le monde. Et bien voilà ce que répondit nos sénateurs. The committee will come to order. The counsel will call the first witness. Mr. John W. Dean III. L'entretien entre le président Haldeman Ehrlichman et moi-même m'a terriblement déçu. Il était clair que la Maison Blanche allait persister à étouffer l'affaire. Pouvez-vous nous dire si le président était au courant de l'effraction à Watergate? S'il était au courant avant? Oui. Je peux vous l'affirmer. Au lendemain des confidences de son ancien conseiller, le président Nixon dément l'ensemble de ses allégations. La commission sénatoriale lui demande de venir répondre à ses accusations, il refuse. Dans une lettre datée du 3 juillet, envoyée au sénateur Ervin, Nixon écrit qu'il ne témoignera pas devant la commission et qu'il ne livrera aucun document présidentiel au nom des principes de la séparation des pouvoirs. Comment savoir alors qui dit la vérité, de l'ancien conseiller ou du président ? Un événement inattendu va permettre d'éclaircir cette question. Pour contester les dires du conseiller, les avocats du président ont envoyé un rapport qui fait état d'une conversation entre John Dean et le président. Des enquêteurs l'ont lu et analysé et ont été surpris par la précision de la retranscription. Il décide alors de convoquer un certain Alexander Butterfield, un ancien haut fonctionnaire chargé de missions d'organisation et d'intendance à la Maison Blanche. Le 13 juillet, celui-ci s'avance devant la commission. Alexander Butterfield. Sur le banc des journalistes, personne ne connaît vraiment cet homme, alors on l'écoute d'une oreille. Et pourtant, cet inconnu va révéler l'un des plus importants secrets de la Maison Blanche. Lorsqu'on l'interroge sur la précision de cette note, et notamment sur la retranscription d'une conversation entre M. Nixon et M. Dean, et qu'on lui demande si elle a été enregistrée, Alexander Butterfield répond « Oui ». Et l'audition se poursuit de cette façon avec ses révélations. Monsieur Butterfield, êtes-vous au courant de l'installation de matériel d'écoute dans le bureau ovale du président ? J'étais au courant de cette installation. Oui. Quand est-ce que ce matériel d'écoute a été placé dans le bureau ovale ? Autour de l'été 1970, je ne me souviens pas exactement de la date. J'estime, Monsieur Thompson, que ce matériel a été placé, et c'est une simple estimation, entre avril et mai 1970, peut-être à la fin de l'été ou le début de l'automne. Le lendemain, le New York Times titre « Nixon espionnait ses propres bureaux ». Alors, ce 13 juillet 1973, le Watergate change de dimension. L'existence de ces bandes d'enregistrement ouvre une incroyable bataille médiatique et judiciaire entre la Maison Blanche et la Commission spéciale du Sénat. Le 17 juillet, le sénateur Ervin demande l'accès à ces bandes qui cachent sans doute la vérité sur les agissements du président et de ses hommes. Le 23 juillet, Nixon lui répond par courrier qu'aucune bande ne sera transmise au grand du public au nom de la séparation des pouvoirs encore. Face à ce blocage, les tribunaux sont alors saisis. Le 15 août, Nixon intervient à la télé et rappelle sa version des faits. Rien de nouveau, toujours la stratégie de la diversion. Septembre, il pense que l'affaire ne dépasse pas les 7 hommes de main inculpés. Mars, il est informé pour la première fois que les responsabilités sont plus vastes que ce qu'il pensait. Avril, il commence à ordonner des enquêtes en profondeur et demande à ses collaborateurs de travailler à la manifestation de la vérité. Cela dit, devant les caméras de télévision, hier, Richard Nixon s'est efforcé d'appeler les Américains à une diversion. L'affaire relève maintenant des tribunaux, a dit Richard Nixon. Ne vous laissez ni entraîner ni aveugler par ceux qui tentent d'exploiter le scandale pour saper mon travail. Nous avons des tâches plus urgentes à accomplir. Et là, le président américain a évoqué les problèmes économiques et le sud-est asiatique. Mais l'incendie n'est pas maîtrisé, loin de là. En octobre, la cour d'appel de Washington ordonne au président de remettre dans un délai d'une semaine les enregistrements ayant fait l'objet d'une assignation. Un juge sera en charge de déterminer ce qui relève du privilège de l'exécutif ou non. Face à ce jugement, le président propose un compromis. Autrement dit, la remise d'une version texte des conversations dont la retranscription sera vérifiée par un sénateur de son choix. Le procureur spécial Cox, lui aussi en charge de l'enquête sur le Watergate, refuse la solution proposée par la présidence et il le dit publiquement lors d'une conférence de presse. Nixon va-t-il craquer? Eh bien pas vraiment. Face aux critiques et aux demandes du procureur spécial, il demande à son ministre de la Justice de faire remplacer le procureur Cox. Le ministre refuse, puis donne sa démission. Nixon demande alors à son adjoint la même chose. Même scénario, l'adjoint refuse, puis démissionne. Cox est finalement remercié, mais au prix de 2 démissions. Le lendemain, la presse réagit en titrant « Le massacre du samedi soir ». Après ce coup de force du président, l'idée d'une destitution de Nixon est clairement posée. 84 membres de la Chambre signent une motion d'impeachment, c'est-à-dire une procédure de mise en accusation du président. La motion est transmise à la commission des affaires judiciaires. Le 6 février 1974, la dite commission est formée. Elle regroupe une centaine d'experts, dont 45 avocats, et se voit attribuer la somme $1 million pour mener l'enquête et préparer un rapport sur l'impeachment ou l'empêchement. Après la commission d'enquête sénatoriale qui rédige son rapport, Nixon doit désormais faire face à la commission des affaires judiciaires qui jugera si le président doit passer ou non devant la haute cour. En attendant, un dossier toujours au cœur de la bataille, les bandes de la Maison-Blanche. Début novembre 1973, Nixon lâche finalement du lest. Il accepte de remettre 7 des 9 enregistrements demandés au nouveau procureur. 2 n'ont apparemment pas été gravés. Autre problème, sur la bande magnétique du 20 juin 1972, soit 3 jours après l'opération avortée de Watergate, on constate un trou de 18 minutes. La secrétaire particulière du président en charge de la retranscription s'accuse d'une maladresse. Quelle coïncidence! Très bien, des experts analysent cette bande et réfutent la version de la secrétaire. Ils constatent entre 5 et 9 traces de manipulations successives sur l'enregistrement. L'étau se resserre. Mais que peuvent bien cacher ces bandes? Le 29 avril 1974, soit un an après l'annonce de la démission de ses proches collaborateurs, Nixon tente le tout pour le tout. Face caméra, lors d'une allocution télévisuelle, il annonce la publication d'un dossier de 1308 pages contenant les transcriptions de 46 conversations sur le Watergate, y compris celles qui font l'objet de l'assignation de la commission judiciaire. L'avantage, c'est qu'aucun lecteur ne peut vérifier l'authenticité des propos consignés et savoir si tout a été publié. Pour Nixon, mieux vaut alors un document écrit, un livre, que des bandes originales, mais les journalistes ne s'y trompent pas. Au sein de l'opinion et de la presse, la publication de ces conversations a un effet dévastateur. Le Wall Street Journal estime que Nixon a désormais perdu le leadership moral. Le Chicago Tribune pointe du doigt le non-respect par Nixon de la fonction présidentielle et le New York Times l'accuse d'être coupable d'une conduite indigne d'un président. Le livre est un succès d'édition, mais son impact est terrible pour Nixon. dans le monde entier. On attend désormais les conclusions de la commission judiciaire, première étape avant un possible procès et la destitution du président. Le vote de la commission se déroule sur 3 jours. Une journée pour chaque article d'accusation. Le 27 juillet 1974, un premier vote a lieu. Nixon est accusé d'avoir entravé le cours de la justice, d'avoir menti ou laissé mentir ses collaborateurs, d'avoir approuvé ou encouragé des faux témoignages, d'avoir payé le silence de témoins. Alors, chaque sénateur passe au vote. Ms. Holtzman. Aye. Mr. Owens. Aye. Mr. Mesvinson. L'article est adopté par 27 voix contre 11. Le lendemain, le second article accuse Nixon d'avoir commis des abus de pouvoir. 28 voix pour, 10 contre. Le 30 juillet, 21 voix contre 17 reconnaissent que le président a bafoué le Congrès en refusant de communiquer les bandes magnétiques. Les autres actes d'accusation, notamment au sujet d'une fraude fiscale du président, n'ont pas été retenus. Nixon n'attendra pas que le Sénat se transforme en haute cour, car il le sait maintenant, la guerre est perdue. Alors, le 8 août 1974, pour la première fois de son histoire, le président des États-Unis démissionne. Sur France Inter, Bernard Vallette raconte les derniers instants de l'ère Nixon. Don't have a good word for it in English. The best is au revoir. We'll see you again. Il n'y a pas de mot en anglais, a dit le président Nixon, pour exprimer ce que je pense. Il n'y en a qu'un, et c'est au revoir, car nous nous reverrons. Nixon, entouré de sa femme et de ses deux filles, très raide, a recueilli une ovation qui a duré plus de 6 minutes, les poings serrés, le front moite, les yeux brillants. Débarrassé des artifices de la politique, il était redevenu un homme comme les autres. Un quart d'heure plus tard, sur la pelouse de la Maison-Blanche, nous avons eu la dernière image d'une main comme vaincue, retombé sur l'accoudoir du siège de l'hélicoptère qui le conduisait au Boeing présidentiel. Le simple citoyen Richard Milhous Nixon vole en ce moment vers sa retraite californienne de San Clemente. Le lendemain, le Washington Post titre sobrement « Nixon démissionne ». Un mois après le 8 septembre 1974, le nouveau président Ford accorde à son prédécesseur son pardon pour toutes les offenses commises. James McCord, John Dean, l'ancien ministre de la Justice Mitchell, Howard Hunt, John Ehrlichman, Bob Haldeman sont tous jugés, reconnus coupables et condamnés à plusieurs années de prison. 44 ans après, des questions demeurent. Si l'affaire met en avant les méthodes des hommes du président Nixon, qui sont ceux qui l'ont fait chuter? Et pourquoi Mark Felt a-t-il aidé ce jeune journaliste du Washington Post, Mark Felt du FBI? Autrement dit, le Watergate a-t-il révélé tous ses secrets? Thank you. sensible aujourd'hui, l'affaire du Watergate. Notre invité, Jacques Amalric. Bonjour. Bonjour. C'est en direct d'Ajaccio, dans les studios de Radio Corse Fréquence Morin. Je le rappelle aux auditeurs, vous étiez correspondant du Monde à Washington de 1970 à 1973, puis ensuite à Moscou, hein, de 73 à 77. Avant de revenir sur le cœur de l'affaire, intéressons-nous un instant sur le contexte politique. En juin 1972, là où démarre l'affaire, où en est l'Amérique de Nixon? Ça veut dire, où en est l'Amérique et quel est le bilan de Richard Nixon? En juin 72, Richard Nixon, politiquement, va bien. Oui. Ceux qui vont mal, ce sont les démocrates qui ont perdu un de leurs candidats au cours des primaires du New Hampshire, Edmund Muskie, qui a été diffamé par une lettre de lecteur. On apprendra plus tard, envoyé d'ailleurs par les services de Nixon. Et les démocrates sont encore très très divisés par l'affaire de la guerre du Vietnam. Nixon, lui, est sur un petit nuage. Il promet toujours, bien sûr, la fin de la guerre du Vietnam, mais la fin de la guerre n'approche pas. En même temps, il a fait un coup diplomatique assez retentissant en nouant des relations avec la Chine. Bien sûr. Et il espère que la Chine, qui a toujours entretenu des relations très difficiles avec le Vietnam, avec les Vietnamiens, va l'aider à conclure un accord. Donc accord ne sera conclu que bien plus tard. Donc ça veut dire que ses chances d'être élu sont grandes, il est plutôt serein, il est bien, quoi. Elles sont très très grandes, d'autant plus que les démocrates, finalement, choisissent comme candidat à la présidence George McGovern, qui est un peu, si vous voulez, le Sanders de l'époque. Oui. C'est-à-dire, il représente l'aile pacifiste du Parti démocrate et la plus à gauche. Et donc, il n'a pratiquement aucune chance d'être élu. Alors, je rappelle que Nixon, effectivement, a l'image d'une Amérique forte. Je rappelle que Nixon était notamment le président qui a vécu, finalement, présider la conquête de la Lune, qui était vraiment, pour les États-Unis, l'expression de la force. On se souvient de l'image de Nixon qui parle aux trois astronautes. Quelle est la personnalité réelle de cet homme qu'on disait mystérieux à plusieurs facettes, qu'on disait vulgaire, très grossier même, en coulisses, et puis qui avait quand même une vraie stature sur la place publique en même temps? En fait, Nixon, il est d'origine très modeste. C'est un petit blanc, si vous voulez, qui a réussi en politique. D'abord, en se faisant un des employés de la grande campagne anticommuniste lancé par le sénateur McCarthy après la guerre. La chasse aux sorcières. Et oui, il était un des membres de une des petites mains de la commission. Mm-hmm. Et en particulier, c'est lui qui s'est inventé souvent, qui a eu la peau d'un responsable important du département d'État, Edgar Hiss, qui a été à tort accusé d'espionnage au profit des soviétiques. Ensuite, il a été pris comme vice-président, comme candidat à la vice-présidence par Eisenhower, qui ne l'aimait guère, mais qui devait quand même composer avec la fraction la plus anticommuniste, la plus réactionnaire du pays. Bon, et ensuite, on le connaît parce Ensuite, on connaît Nixon qui est célèbre quand il bataille contre John Kennedy et qui se fait battre. Contre Kennedy, voilà. Hein? Et ça, il n'a jamais pardonné au Kennedy sa défaite. Et c'est sans doute d'ailleurs, bon, il n'était pas du tout habitué au débat télévisé puisque c'est la première fois qu'il y en avait aux États-Unis dans le cadre d'une campagne présidentielle. Il est apparu emprunté, très nerveux, alors que Kennedy avait la grâce de l'aristocratie, si vous voulez. Et il a nourri, à cause de cette défaite, une sorte de haine maladive à l'égard des Kennedy. Sensible, Fabrice Drouel. Le Watergate est donc au programme d'Affaires Sensibles aujourd'hui. Alors, Jacques Amalric, je le disais dans le récit, il y a une enquête judiciaire et il y a une enquête au Sénat, que je qualifiais de capitale. Est-ce que c'est le Sénat qui a fait tomber Nixon, plus que tout le reste ? Oui, oui. Le responsable politique qui est sans doute le plus important dans la révélation, dans l'aboutissement de l'affaire, c'est le sénateur démocrate Sam Ervin, qui présidait la commission et qui n'a pas cédé un pouce. Alors, il faut rappeler, d'ailleurs, à ce sujet, que même si Nixon remporte les élections de 72, la majorité démocrate se maintient au Sénat et à la Chambre des représentants. Et ça, c'est très très important, bien sûr. On va écouter une archive ensemble. Après une longue et fastidieuse bataille de procédures et d'interprétations, Nixon, on l'a dit dans le récit, hein, décide de publier certaines des conversations qui sont au cœur de l'affaire dans un livre, L'effet dévastateur. À la télé, certains comédiens rejouent des scènes. Désormais, les bandes sont disponibles. Je vous propose d'écouter un extrait d'une conversation entre John Dean, donc le conseiller juridique du président, et son patron, donc le président. C'était le 23 juin 1972. We have a cancer within, close to the presidency, it's growing. It's growing daily. It's compounding. Nous avons une tumeur chez nous, non loin de la présidence, qui grandit. Elle grandit de jour en jour et il n'y a aucune garantie qu'elle n'explosera pas. Le chantage continue. À mon avis, ces gens vont nous coûter $1 million dans les 2 ans à venir. Nixon répond. On pourrait les trouver. Si vous avez besoin de cet argent, vous pourrez l'avoir. En liquide. Je sais où les trouver. Ce serait difficile, mais possible. L'une des questions que génère l'écoute d'une archive comme celle-là, c'est que savait Nixon de tout cela? Quel était son niveau d'information? Parce que c'est ça la vraie question. Non, mais aujourd'hui, il est évident qu'il était au courant. Oui. Et qu'il a lui-même commandité tout cela? En tout cas, il a donné des ordres globaux. Peut-être qu'il n'a pas... Il n'a pas confirmé chaque opération, parce que des opérations dans le genre Watergate, il y en a eu des dizaines. Oui. Mais bon, il était au courant c'est lui qui a mis en place ce système d'espionnage systématique de tous les opposants. Alors, donc il est poussé à la démission, en fait il démissionne pour éviter l'humiliation de l'empêchement. Comment se déroule sa vie après la Maison Blanche? D'ailleurs vous, à partir de la fin de l'année 73, vous êtes à Moscou, hein, donc je peux vous poser la question, est-ce que l'affaire de Watergate a des conséquences aussi sur la politique extérieure des États-Unis ou non? Pas vraiment, parce que bon... Il y a un personnage dont on parle très peu, qui a échappé à la vague du Watergate, c'est John Kissinger, qui était donc l'inspirateur de la politique étrangère américaine de l'époque, et qui a trempé lui aussi dans quelques affaires peu réjouissante, comme par exemple l'implication de la CIA dans la chute de... Au Chili, Du Chili, oui. Allende. Mais, à un moment donné, le Sénat a choisi de blanchir Kissinger de toute responsabilité. Et aussi bizarre que ça puisse apparaître... Alors qu'il devait bien être au courant de certaines pratiques, puisqu'il y avait recours de son côté, on n'a jamais vraiment expliqué le rôle de Kissinger à cette décision du Sénat. Pourquoi les sénateurs ont fait ça? Je pense, moi, qu'ils l'ont fait en se disant que c'était l'intérêt des États-Unis si Nixon devait sombrer, ce qui est arrivé, de maintenir une certaine continuité et compétence dans la diplomatie américaine. Bien, Jacques-Amérique, on aurait pu encore en discuter longtemps car c'est passionnant, mais l'heure tourne. Il est temps maintenant de nous quitter. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir participé à cette émission. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr. La suite des réjouissances avec Antoine Decaune sur France Inter, bien sûr, juste après le flash de 16h. C'est pop, pop, pop. Antoine reçoit aujourd'hui Jessica Préalbato, chef pâtissière, et Maurice Sacco, chef cuisinier.